Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. L'atelier d'Ulysse, l'art du modelage de la terre et de la sculpture de la pierre. Sans travailler. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Tout en entrant dedans la ville, j'entends les compagnons chanter. Tout en entrant dedans la ville, j'entends les compagnons chanter. Bien le bonjour, tailleur de pierre, et vous le maître de chantier. Bien le bonjour, tailleur de pierre, et vous le maître de chantier. N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon étranger? Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Bon, ben alors aujourd'hui, c'est encore bonjour micro. Et puis, on est sorti de la cave, parce que bon, la dernière fois, on était dans une cave. Enfin bon, voilà, on était allé chercher, un peu de ravitaillement dans les sous-sols. Dans les sous-sols, sous terre. Et bien aujourd'hui, puisqu'on parlait sous terre, on va parler de la terre. Exactement. La terre réellement. Aujourd'hui, nous sommes dans les ateliers d'Ulysse, à la chapelle Saint-Blaise, à Chaillé. Hein. Atelier d'Ulysse, donc avec Dominique et puis Béatrice qui est un peu plus loin. Et puis en fait, je vais presque m'arrêter là de parler, hein, parce que je vais laisser surtout Dominique s'exprimer, puis lui dire un petit peu, dans le cadre de son activité autour de la pierre, hein, oui. Plus précisément, un petit peu voilà, ce qu'est son activité artistique, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, nous sommes sur les journées européennes des métiers d'art, et donc on en profite parce que sur la région d'Azerido, il y a des artistes et des gens qui travaillent et qui sont des artisans, oui, des métiers d'art. Hein. Mais ça, c'est peut-être une précision d'ailleurs que tu nous donneras sur cette activité artisanale. Avec cette fois-ci, donc, aujourd'hui, effectivement, tailleur de pierre, céramiste, poterie également, et puis un invité également. Mais celui-là, je tairai son nom, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il travaille le bois sur la commune d'Azerido, et puis que de temps en temps, il est président de la Maison des Jeunes, mais pas un mot sur l'affaire, puis je ne voudrais surtout pas dire de mal d'Eddy Boucher, hein, des fois qu'il se reconnaîtrait. On ne va pas dire plus. Voilà. Alors, Dominique, donc, oui, alors, t'es installé ici, sur ton activité. On habite ici, on a acheté ici en 2008, et en 2010, on est venu habiter définitivement ici. Voilà. En vue de créer notre activité professionnelle. Voilà, c'est ce qui a déterminé l'achat de ce lieu. Depuis l'âge de, on va dire, de 20 ans, hein, parce qu'il fallait attendre que le service militaire passe. Donc c'était il y a juste quelques années. Oui, quelques années. Mmh. J'ai d'abord commencé comme maçon, après avoir passé un titre professionnel de maçon. Et rapidement, je me suis tourné vers la pierre dans le cadre de la restauration. Puis à force d'en faire, effectivement, on se dit, tiens, la pierre, c'est pas ça, c'est... Ouais. Ce qui fait que j'ai suivi une formation professionnelle à la foulée suite à un licenciement économique. Et depuis, j'ai toujours travaillé dans la pierre. Toujours la taille de pierre, le ravalement, mais là, qui est quand même de la taille de pierre, sur les bâtiments, travailler sur les châteaux, les églises, les cathédrales. Et suite à un accident de travail, j'ai dû me reconvertir. Ce qui m'a permis finalement de me retourner, d'avoir l'occasion de travailler comme formateur professionnel pour adultes à la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, rue de Suède, où ils étaient autrefois. Et depuis, le centre a été fermé, mon poste a été fermé, plus personne venait en formation de tailleur de pierre, manque de financement, enfin il y a eu des gros bouleversements. Mmh. Mais, C'est pas pourtant, on a toujours besoin de tailleurs de, tailleurs de pierre. Hein. Ah oui, oui, oui, oui. Je ne m'étendrai pas sur le côté politique de la formation et autres. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire par là, les conséquences ont fait que je me suis à nouveau retrouvé au chômage. Mais comme j'avais toujours ce projet-là en tête, ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de m'installer mm-hmm. comme artisan, tailleur de pierre, sculpteur, ornemaniste. Ornemaniste. L'ornementation, le sculpteur ornemaniste, celui qui fait toutes les sculptures sur la pierre, autre que le statuaire, on va dire ça. D'accord. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon métier, après vous avez des ornemanistes bois, des ornemanistes sur le métal ou sur le zinc, mais ça, il y a des canons bien précis. Et l'activité, j'essaie pour ma part de développer ici autour de la pierre plutôt une activité de formation de loisirs. Dans un premier temps, j'espère, avec la formation professionnelle, puisque je suis qualifié pour faire la formation professionnelle, tous les encarts, diplômes, tout ça l'attestent, en dehors de l'expérience déjà. Ce qui fait qu'ici, vous pourrez trouver la pierre, on va travailler la pierre locale, le calcaire oui, local. Ce que j'ai demandé, alors, la matière première, alors tu l'as... Ça sera tailleur de pierre dans nos régions, travaille le calcaire. Mmh. Il est évident ici dans une grande région, comme on dit le tuffeau de Touraine, même si c'est tant assez loin, parce que les gens qui viennent le week-end ou les touristes, ce qu'ils veulent, c'est toucher, sentir le tuffeau s'y vanter, et qui a permis de toutes ces belles réalisations des châteaux de la Loire. Mmh. Ils sont quand même tous faits en tuffeau, quoi, ce qui permet de. En dehors du côté blanc, ça, on va travailler jusqu'à la dentelle, on est assez perfectionné là-dessus, et les gens viennent travailler ça. Et on a toujours des caves d'extraction Très peu, tuffeau, très peu, et les de moins en bonne qualité. Et les quelques-unes qui restent, il y en a certaines qui ouvrent uniquement pour les monuments historiques. Et on commence à avoir un peu de mal à trouver du tuffeau, déjà qui correspond aux couleurs de ce qu'on trouve. Parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs couches géologiques et plusieurs périodes géologiques au tuffeau. Ouais, voilà, ouais. C'est surtout ça. Le tuffeau de Cheyé, on en trouve, hein, il est un peu jaune, tout ça. Celui de Montrichard, qui est très blanc. Et tout ça, on est encore sur l'appellation tuffeau de Touraine. Et donc, ta matière première, alors, vient de... Ma matière première, j'ai de la chance, je vais chez les carriers ou les débiteurs. Mmh. Ils se font venir des carrières, soit de côté de Saumur pour le Saint-Cyrembourg, dans l'Indre, du côté du Seine-Mal, et puis un autre, il est resté trois carrières. Voilà, autrement, je travaille beaucoup aussi le calcaire de la Vienne et de la Charente. Mmh. C'est ce qu'on trouve depuis, et puis qu'on utilise sur le bâti, sur le décor, et le décor, même les salons de jardin. Hein, y a pas que la construction, voilà, c'est aussi tout ce qui est décor. Okay. Mais j'essaie de me tourner, l'âge aidant, et finalement, plus on prend de l'âge, et plus physiquement, le travail est quand même plus pénible à 8 heures par jour, 11 mois sur 12 quand même. Donc t'es plus maintenant sur l'ornementation, on va dire ? L'ornementation, l'accompagnement des particuliers dans le cadre de la restauration, parce que j'ai remarqué au fil des années, y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons, qui ont envie de faire des choses chez eux. Le problème, c'est qu'ils ne possèdent pas le minimum des techniques nécessaires pour faire les choses correctement. Et souvent, ça peut être des petites choses, monter deux, trois pierres, c'est quelque chose. Alors, je peux les accompagner chez eux, enfin, on va dire, on dit aujourd'hui du coaching, parce que c'est très tendance. Bon, en fait, c'est de l'accompagnement, c'est de l'accompagnement, du suivi. Après, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ça, il y a aussi, sur le plan humain, c'est plutôt génial, parce que ça développe des relations... qu'on a moins, c'est plus tout à fait des relations de clients, artisans, ça devient des relations humaines réelles. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais. Ce qui m'intéresse là, dans ce que tu dis, ou ce que je sous-entends, c'est que je me dis qu'on pourrait très bien avoir un certain nombre de jeunes, je pense à des adolescents, enfin toi, bon, les jeunes, on est en... jeunes adultes, enfin adolescents, qui pourraient être... c'est un métier qui est... qu'on dit noble, et qu'il l'est effectivement, et je trouverais intéressant qu'effectivement il puisse y avoir un intérêt de la part de ces jeunes à ce métier, en dehors des aspects, comme tu disais tout à l'heure, politiques, de oui. Comment sont-ils accompagnés ou pas, mais est-ce que c'est alors Ici, est-ce que c'est un endroit où tu recevrais éventuellement un ou deux jeunes pour la découverte, en fait, hein, plus du métier que... Bah, voilà, c'est plus une idée que d'autre chose, hein, j'ai pas de... Non, c'est les jeunes ou les moins jeunes, mais c'est vrai, leur faire découvrir le métier de tailleur de pierre, métier de sculpteur aussi, qui sont deux métiers, qui sont quand même deux métiers distincts. On travaille avec les mêmes outils, la même matière, mais on est dans des domaines un peu différents. Un peu différents, oui. Voilà. Comme on est dans des domaines différents. Mais il est vrai que je peux les initier au métier. Mmh. Ici, on dispose de bio. Hein, quand il n'y en a pas, j'en fabrique. Mmh. C'est très bien. Et puis de l'outillage nécessaire, la matière nécessaire. Ça, ce n'est pas un problème. Évidemment, je peux les initier, les préparer pour aller intégrer un centre. Pourquoi pas? Ça peut être aussi de l'insertion sociale. Pourquoi? Parce que quand on vient dans un atelier, quel qu'il soit, là, dans le mien, on est à la pierre, on se confronte quand même à la matière. On ne taille pas la boîte d'allumettes, on est quand même sur de la masse. Il faut acquérir un minimum de gestuelle déjà pour sentir la matière avant de pouvoir progresser. Et ça, quand on est face à la matière et face à l'outil, ça le mérite un peu de se positionner, j'allais dire, dans l'espace, mais dans l'espace-temps, sans vouloir... ouais, je sais, et ça a toujours quelque chose d'assez magique par rapport à ça. Ouais, bon, ici, c'est vrai qu'on accueille plutôt des petits groupes, 6 personnes. J'ai l'espace, hein, je pourrais en mettre une vingtaine. Oui, non, mais c'est pas. Voilà. Mais c'est pas le but. Le but, évidemment, c'est que je gagne ma vie, évidemment. Mais c'est aussi transmettre des connaissances, des savoirs, hein, et puis apprendre des savoir-faire. Les initier, mais pour qu'ils puissent aussi se regarder, être fiers de ce qu'ils font. Parce que ce sont quand même des métiers difficiles, mais quand on voit qu'avec pas grand-chose, comme là, j'ai quelques patates, des pierres complètement difformes de récup, la première chose que je leur fais faire, même en loisir, c'est d'abord de façon technique, comment dégaucher une face, dresser une face, après faire un bloc, on va dire, un bloc 6 faces d'équerre. Fini, propre, nickel. Pourquoi? Il faut d'abord passer par toutes ces étapes-là avant de commencer à faire de la amélioration ou de la sculpture ou autre. On prépare sa pierre préparatoire. Mais tout ça sont des étapes complètement nécessaires et, comme je disais tout à l'heure, qui permettaient de se positionner, oui, parce que on obéit vraiment à des procédures et des choses comme ça. Et ce qui permet, quand on commence à découvrir l'outil, à maîtriser un petit peu l'outil, de pouvoir se lâcher et de commencer à construire des choses. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça, quoi. Voilà. J'ignore si je réponds bien à vos questions, mais c'est un peu comme ça que je reçois les choses. On est plus là justement pour, en se disant, voilà, quel est l'intérêt. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qu'on croise indirectement tous les jours, puisqu'on voit bien des constructions autour de soi, qu'on a la chance d'être dans une région où finalement la pierre... le tuffeau réapparaît de plus en plus et c'est tant mieux. N'oublions pas quand même les cathédrales, etc. À l'origine, donc on est dans cette lignée-là. Et je trouve intéressant que l'on ait cette mémoire du geste, du matériau, et qui plus est en plus un matériau qui est intéressant. J'essaie de remettre ça, c'est dans l'esprit sur la réduction des consommations énergétiques, etc. On sait pertinemment que la maison en pierre respire et pourtant est celle qui est la moins consommatrice, je dirais, d'énergie. Enfin bon, me semble-t-il. Hein, oui. Tu me reprends si j'ai une bêtise. Non, c'est pas des bêtises. C'est vrai qu'économiquement, ça représente un poids non négligeable. Le fait de faire des trous dans toutes ces falaises, ça a permis quand même aux habitations de se créer, à fixer des villages, à fixer des populations qui ont pu travailler dans les villes ou autres. Et on a fait des caves. C'est devenu des caves pour conserver le vin. Non, mais il n'y a pas que ça. Le fromage de chèvre, etc., a pu se faire et s'élaborer aussi dans les caves, justement à cause des champignons. Donc sur le plan de sociétal, il y a toute une vie qui s'est créée autour de ça et qui est devenue un peu interdépendante. C'est ce qu'on aime aussi retrouver quand on va dans nos régions, et notamment en Touraine, sans vouloir être chauvin, mais enfin... c'est quand même à ce niveau-là, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la pierre, Et je pense que ce que je peux dire, vous le retrouverez à Marseille, vous le retrouverez, enfin toutes les régions de Pierre, je pense qu'ils ont aussi ces mêmes discours, parce que c'est avant tout des métiers passion. Mmh. Mais les passions, on ne les a pas forcément comme ça quand on est, il y en a qui l'ont, ils s'appellent Michel-Ange, Bernin ou autre, ils sont nés comme ça, puis il y a les autres qui vont, ils vont développer leur passion, mais à travers la curiosité qu'on peut leur susciter. C'est pour ça que j'essaie d'aller voir les collèges, les écoles, pour leur dire on existe, on est là, essayez d'amener vos jeunes gens à la découverte des ateliers artisanaux, parce que le savoir-faire, il existe entre les mains, mais pour avoir des mains qui savent faire des choses, il faut aussi avoir un esprit bien fait. Sinon, on fera que des abrutis en tous les... Pardon l'expression, enfin, on peut être hyper diplômé et puis être bête comme ses pieds, quoi. C'est pas non plus... c'est pas quelque chose d'incompatible. Et voilà, c'est l'esprit et la main qui est si cher, certes au compagnonnage, mais si cher au monde artisanal et ouvrier. Parce qu'on a avant tout des ouvriers des choses, quoi. Et c'est ce qu'on veut faire, hein, développer, essayer de transmettre la passion, la pierre. Quand je fais de la sculpture, je passe souvent par le modelage. Et de ce modelage-là, je vais en faire une épreuve en plâtre qui me permet de fixer le modèle, parce que c'est plus simple que de prendre, que d'attendre que l'autre ait fini sa pose, quoi. Voilà. Ok, en tout cas, merci. Puis alors, surtout en plus dans un territoire où il y a Rodin, mais il y a surtout Gavin Claudel qui était pas loin. Des gens qui travaillent autour du moulage, etc. Et puis de la pierre et de la création. Et des artisans, voilà, avec des mains et surtout une tête. Voilà. Dans un territoire qui mérite bien qu'on boive un coup. Après. Ah bah oui, hein bah oui. Bon bah allez, on va le sortir. Bon bah la vôtre, hein, les gars. Allez, à bientôt. On va la tailler, prends donc ta pierre sur la place et ton marteau va la tailler. Dans le cadre de ces émissions Découverte des métiers, aujourd'hui, MJ Diffusion était aux ateliers d'Ulysse. La bourgeoise à mon